Chant d'une mère près du berceau de son enfant. Poésie finlandaise. J'aime à chanter pour mon enfant. Je cherche avec joie de douces paroles pour mon petit trésor. Faut-il lui répéter un chant de berceau ou un chant de bergère que ma mère m'apprenait quand elle m'asseyait devant sa quenouille? Je n'étais pas alors plus haute que son rouet. Je n'atteignais pas aux genoux de mon père. Mais pourquoi redirais-je les chansons de ma grand-mère ou celles de ma mère? J'en ai moi-même composé plusieurs. Sur chaque sentier, j'ai trouvé un mot. Sur chaque bruyère, j'ai pensé à un sujet. J'ai pris mes vers sur chaque branche de la forêt. Je les ai recueillis sur chaque buisson. La gélinotte est belle à voir sur la neige. L'écume de la mer est blanche sur le rivage. Plus beau est mon petit garçon, plus blanc est mon petit amour. Le sommeil est à la porte et demande « N'y a-t-il pas ici un doux enfant au maillot, un joli garçon dans son lit ?» Viens, heureux sommeil, près de son berceau, enlace l'enfant, assoupit ses paupières. Balançons, balançons le petit fruit des champs, berçons la légère feuille des bois. C'est un enfant que je berce, c'est une couchette que je balance. Mais hélas, combien celle qui lui a donné le jour sait peu si l'enfant qu'elle berce ainsi sera sa joie dans l'avenir, son soutien dans la vieillesse. Non, jamais, malheureuse mère, tu n'es sûre d'avoir un soutien dans l'enfant que tu élèves. Bientôt il sera loin, il ira ailleurs avec ton espérance. Peut-être la mort s'emparera-t-elle promptement de lui. Peut-être sera-t-il soldat, exposé au tranchant du sabre, au feu du canon. Peut-être deviendra-t-il l'esclave des riches.